Donc bonjour mes chers amis, mes frères et sœurs, et aujourd'hui on entreprend le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Notre bon Père Céleste, on aimerait que tu puisses nous aider à bien comprendre ce texte qui parle d'une rencontre entre Jésus et une femme. Ce qui nous intéresse le plus, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui dans ce texte qui va nous aider à comprendre qu'il est le Christ, le Fils de Dieu? Et que si on croit en lui, on va avoir la vie. Dirige-nous, Seigneur, pendant ce temps de méditation. Amen. Cette histoire de la femme samaritaine est bien connue. Et on l'a utilisée souvent dans des conférences sur l'évangélisation, comment approcher les gens, comment témoigner de l'évangile, quels sont les sujets qu'on devrait apporter quand on parle avec des inconvertis. Mais ici, l'important, ce n'est pas ce qu'on va dire à un inconverti. C'est qui est-ce qui parle à la femme samaritaine et qu'est-ce qu'il lui dit à son propre sujet. Je vous le répète, je l'ai dit à quelques reprises, Jésus parle de lui dans l'Évangile de Jean. C'est là qu'on retrouve toutes les « je suis ». Et ici, on va voir une autre facette de la personne de Jésus, une autre façon dont il parle de lui. Et ce qu'il est va influencer ce qu'il va faire et va influencer aussi notre compréhension. Si je comprends bien qui il est, ça va influencer ma compréhension de ce qu'il dit de lui-même. Donc, nous allons lire le chapitre 4, verset 1, jusqu'au verset 19. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es un juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as pas rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus besoin, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. » Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, cette rencontre, on va la regarder avec l'optique de la personne de Jésus. Jésus part de Jérusalem, ou de la Judée, là où ce qu'il baptisait avec ses disciples, et il monte vers la Galilée. Et si vous connaissez un petit peu la géographie, bon, il est important de comprendre que pour passer de la Judée vers la Galilée, il faut passer par la Samarie. Bon, ce que j'ai lu, c'est que souvent Les Juifs évitaient de passer en Samarie parce qu'ils n'aimaient pas les Samaritains. Mais Jésus, lui, décide de passer, je dirais, en plein centre de la Samarie. Et les chemins étaient souvent, ou les sentiers, ou les chemins que les gens prenaient, étaient souvent intentionnellement dirigés vers les différents puits. Donc, on allait d'un puits à l'autre pour avancer vers la destination qu'on voulait aller. Parce que c'était comme ça qu'on pouvait puiser de l'eau, parce qu'on voyageait à pied, donc c'était des heures, souvent des journées, pour se déplacer de Jérusalem à aller, mettons, à la Samarie. Ça prend quelques jours. À la Galilée, excusez, ça prend quelques jours. Donc, on va d'un puits à l'autre et on puise de l'eau et souvent on arrête dans les petits villages et on achète de la nourriture. Donc, Jésus va au puits de Jacob. Et là, il s'assoit fatigué de sa marche et il s'arrête là pendant que ses disciples vont aller au village de Sichar pour acheter des vivres. Il était à la sixième heure. C'est pas tout le monde qui est d'accord sur ça veut dire quoi, mais ça n'a pas vraiment d'importance pour nous. Mais pour moi, c'est 6 heures ici équivaut, je crois, à midi. Et ça serait plus compréhensible de penser que c'est midi que 6 heures du matin, parce que Jésus marche déjà depuis 6 ou 7 heures. Donc, c'est normal qu'il soit fatigué et c'est normal qu'il veuille s'arrêter et boire et manger. Donc, Jésus, au verset 7, demande à la femme de lui donner à boire. Et ce qui semble être étrange pour la femme. Pourquoi est-ce que tu me demandes de l'eau, toi qui es un juif? Parce qu'il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les juifs. Encore moins entre une femme et un juif. C'était pas la culture dans ce temps-là, autant de s'adresser publiquement à une femme sans qu'elle soit accompagnée de quelqu'un d'autre. Je fais une parenthèse. Quand je vous parle ici de tradition ou de culture, ben, je parle avec une certaine réserve parce que il y en a qui ont d'autres opinions que moi et c'est bien acceptable ainsi. Donc, la femme, elle lui dit, pourquoi est-ce que tu me demandes de l'eau, toi qui es un juif? Et en plus, avec quoi je vais te la donner? Tu vas trouver que mon vase est impur. Tu voudras pas boire à partir de mon vase. C'est un vase de Samaritain. Et vous nous considérez impurs, donc tu voudras pas boire. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive ou de l'eau qui donne la vie ou de l'eau qui amène la vie. Donc il lui dit, si tu connaissais, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit « donne-moi à boire ». Donc, il parle de deux choses. Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te parle, tu me demanderais de l'eau vive. Donc, le don de Dieu, ici je suggère qu'il parle de la vie, hein, de la vie éternelle, et celui qui te parle, mais il parle de lui-même, le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu. Si tu savais ces choses, c'est pas moi qui t'aurais demandé de l'eau, mais c'est toi qui se serais empressé de me demander quelque chose. Ici, Jésus a pris l'exemple d'eau vive parce qu'il parle, il est au puits avec une femme, qui sont là pour, toutes les deux, pour boire de l'eau. Donc, il utilise la circonstance pour, comme moyen de lui faire comprendre une grande vérité. Donc, ce que l'on connaît de Dieu et de Jésus vont influencer notre façon de les approcher et ce qu'on va leur demander. Regardez vos requêtes de prière, regardez la façon dont vous parlez et ça va vous dire beaucoup sur qu'est-ce que vous connaissez de Dieu et de Jésus. Des fois, quand j'écoute même les croyants qui prient, ils prient comme des gens qui ne sont pas des vrais croyants. Ils vont prier plutôt comme des gens religieux. Ils sont préoccupés par leur santé, ils sont préoccupés par leur monde matériel, on est préoccupé par la température, on est préoccupé par la nature, on est préoccupé, dernièrement, je voyais que par nos animaux, on est préoccupé par plein de choses, et non pas par les vraies choses, que selon moi est appelé ici le don de Dieu. Dieu veut te donner quelque chose d'extrêmement important, de salutaire, d'indispensable. C'est la vie, l'eau vive. Et comme je l'ai déjà dit, que je vais le répéter à différentes reprises, l'eau vive, ou la vie ici, dans le texte de Jean, c'est le contraire de la mort. Hein? Les hommes sont morts spirituellement, et Jésus apporte une sorte de vie que nous, on n'a pas. Donc, il ne parle pas de notre vie physique, parce qu'on l'a déjà. Cette femme-là est déjà vivante physiquement. Il parle d'une vie qui met en relation avec Dieu. Cette vie qui me donne la capacité de parler avec Dieu, d'entendre Dieu, de voir Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, ou tu ne peux pas voir Dieu, et tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas une place. C'est la présence de quelqu'un qui est le roi de tout l'univers. Donc la femme lui répond, très matériellement, très temporellement, « Ben, comment est-ce que tu vas faire pour me donner de l'eau? Tu n'as même rien pour puiser. Et le puits est profond. » Et c'est vrai que le puits est profond. J'ai eu le privilège un jour d'aller en Israël, et je suis allé au puits de Jacob, et j'ai bu de l'eau du puits de Jacob. Ben, je peux vous dire, ça ne m'a pas donné la vie éternelle. Hein? Ça ne m'a pas donné la vie éternelle. Parce que c'est pas de l'eau d'un puits, c'est pas ce qu'on boit, ce qu'on mange physiquement, qui donne la vie. Jésus dit au verset 13, « Si tu bois de cette eau, tu vas toujours avoir soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne ou que je pourrais te donner, tu n'auras plus jamais soif. » Donc il dit « L'eau que tu as dans ce puits, elle est bonne, elle est fraîche et elle désaltère, mais il faut que tu reviennes à tous les jours en chercher parce que elle te enlève pas ta soif. Mais l'eau que je donne, moi, au verset 14, l'eau que je donne enlève la soif. Pourquoi? Au verset 14, parce qu'elle devient une source d'eau en toi qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc, cette eau que je donne, moi, elle donne la vie d'une façon éternelle. Tu n'as plus jamais besoin de venir puiser d'eau spirituelle. Je te donne le don de Dieu, je te donne la vie, et c'est éternel. Tu n'as plus jamais besoin que je te la redonne une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'elle devient en toi une source de vie. Donc, comprenons bien ceci. Celui qui peut donner la vie, et la vie éternelle doit lui-même en être la source. Je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. OK? Jésus ici n'est pas le vase qui amène la vie éternelle que Dieu offre. Il est lui-même le puits, si je peux dire comme ça. Il est lui-même la source d'eau. Si tu veux, je peux te donner de l'eau qui va devenir en toi une source d'eau qui va jaillir pour l'éternité. C'est cette vie qui est beaucoup plus importante qu'une place quand on va mourir. Parce que aller au ciel après la mort, si j'ai pas la vie, c'est juste une autre place. C'est juste une autre place. Mais c'est la plus belle place de l'univers. C'est juste une autre place. Mais la vie, ça veut dire que la présence de Dieu, ici, maintenant, et pour l'éternité, ça, c'est le don de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la raison, parce que sans la vie, je n'ai rien en ce qui concerne Dieu. Je n'ai pas de capacité de voir Dieu et de rentrer dans la présence de Dieu et de parler de Dieu. Je n'ai pas la capacité de comprendre ce que Dieu veut me dire si je n'ai pas la vie. Il faut bien comprendre que Jésus est venu offrir la vie et non pas un siège dans un endroit paradisiaque. Notre bon Père du ciel, merci de ton don. Merci que tu as envoyé ton Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ô Seigneur, nous ne pouvons pas demander à ton Fils de nous donner la vie si on ne croit pas qu'il est lui-même source de la vie. Il faut premièrement croire qu'il est la source de la vie. Et quand on le croit, on ne peut pas faire autrement que de lui demander « Donne-moi de cette eau afin que je vive éternellement. » Amen.